à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'instant présent consacré au développement personnel. Aujourd'hui, direction Nancy au 76 rue de l'Axou pour découvrir une entreprise pas comme les autres, Nouvelle Femme. Elle accompagne les femmes dans leur parcours de soins, un rôle essentiel et souvent méconnu. Nous avons donc le plaisir d'accueillir sa représentante Virginie Griset à l'occasion justement de Octobre Rose. Nous allons donc parler accompagnement des femmes qui sont victimes du cancer du sein. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Présent. Comme chaque année en France, près de 60 000 femmes sont touchées par cette maladie qu'est le cancer du sein. Derrière les chiffres, il y a des parcours de vie, des histoires de courage, mais aussi des besoins d'écoute, de soutien et d'accompagnement. Eh bien aujourd'hui, nous allons découvrir une initiative locale qui fait la différence ici à Nancy, Nouvelle Femme. Cette entreprise implantée au 76 rue de l'Axou accompagne les femmes dans leur parcours de soins avec une approche humaine et bienveillante. Et en ce mois d'octobre rose, dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein, nous avons donc le plaisir d'accueillir sa responsable, donc Virginie Griset. Virginie, alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter justement Nouvelle Femme ? Alors, c'est une entreprise qui est née en 2020 suite à mon histoire de vie personnelle. C'est en fait quelques temps après l'ablation d'un sein que le désir de créer quelque chose pour la femme a émergé. C'est un institut spécialisé dans les soins de support et j'accompagne la femme, mais aussi l'adolescente, la petite fille pendant et après un cancer. Comment faire face aux effets secondaires, des traitements à travers les cosmétiques de support, accepter une prothèse mammaire externe, une prothèse capillaire, des accessoires de tête, voilà. J'accueille les personnes dans un endroit chaleureux, intimiste, sur rendez-vous et de façon individualisée, telle que je l'ai imaginée et que je vis avec toute ma bienveillance de soignante et de femme. Voilà, avant cela, moi j'ai eu une autre vie, j'ai mis mon beau métier d'infirmière puéricultrice entre parenthèses pour m'y consacrer entièrement. Donc j'ai un peu l'impression de faire le même métier, mais autrement, en accompagnant la femme et l'enfant. Très bien, alors j'allais vous poser la question, comment est née l'idée de créer Nouvelle Femme? Et vous avez répondu un petit peu à cette question, donc c'est suite à un déclencheur personnel, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà, moi-même j'ai été touchée par un cancer du sein. Mmh. Et donc vous avez peut-être souffert d'un manque d'accompagnement pendant cette période-là? Alors, je dirais pas un manque d'accompagnement. En fait, alors, moi qui étais... jeune, entre guillemets, hein, enfin voilà, voilà, j'aimais bien aller acheter ma petite lingerie, je vais pas dire des noms de marques, hein, mais en fait, j'ai eu cette sensation en tant que patiente et soignante d'avoir été mise dans une petite case, c'est triste à dire, mais un peu handicap, quoi. Je dis pas que les gens font mal leur métier, attention, mais c'est tout de suite phase... pharmacie, orthopédiste, et j'ai pas trouvé quelque chose qui me correspondait, et je voulais retrouver ça pour les femmes. Et donc voilà, vous avez essayé de répondre à un besoin qui n'était pas justement satisfait sur Nancy. Alors justement, quand on parle de parcours de soins, à quoi cela correspond concrètement pour une femme qui est justement touchée par le cancer du sein et que vous proposez d'accompagner? Alors déjà, faut dire que l'annonce d'un cancer, ça est du sein. Voilà, ça affecte profondément la féminité. Hein. Le sein, c'est le symbole de féminité, de beauté, de maternité. Et c'est vraiment un bouleversement qui impacte l'image corporelle, l'estime de soi, mais également la vie d'un couple, d'une famille. Et donc après, des examens, l'attente des résultats, tels que la biopsie. Il y a tout d'abord l'annonce et qui représente un véritable coup de massue, c'est le cas de le dire. Et puis bon, après, voilà, des réunions de concertation médicale. En fonction de différents paramètres d'ordre médicaux, il y a un protocole de soins qui est établi. Alors, certaines femmes vont passer par la chirurgie et d'autres traitements complémentaires, hein, radio, chimiothérapie, thérapie ciblée, hormonothérapie ou inversement. Enfin, et puis, dans le cadre du cancer du sein, moi, je reçois donc des femmes très jeunes à âgées, Et comme je dis chaque jour, bah, moi je dis chaque cas est différent. Hein. Il est important de ne pas se comparer les unes les autres. Je reçois parfois des dames qui se sentent complètement illégitimes par rapport à d'autres femmes parce qu'elles n'ont pas de chimiothérapie, par exemple. Et cancer, ça ne veut pas dire forcément chimiothérapie, et heureusement. Une femme ayant subi une mastectomie sans traitement complémentaire n'est pas moins légitime qu'une autre femme ayant subi une tumorectomie avec un ou plusieurs traitements complémentaires. Ces dames sont tout aussi affectées physiquement et psychologiquement. Alors, quand on parle de parcours de soins, bah, chaque parcours de vie et de soins est unique. Donc moi, j'interviens à un instant T pour répondre des besoins ciblés des dames avec un traitement pendant et après. Donc, prothèse capillaire, bonnetterie, prothèse mammaire, lingerie adaptée, produits cosmétiques spécifiques. Voilà, ma fonction est surtout de redonner confiance à la femme, qu'elle puisse continuer à se sentir féminine et poser un regard positif sur son corps. Les cicatrices physiques, eh bien, et même intérieures, hein, c'est pour moi le symbole d'un combat. Et ce ne sont pas des cicatrices honteuses. Tout à fait, donc. Voilà. Donc, comme vous le dites, vous proposez donc un accompagnement qui est vraiment personnalisé. C'est ça. C'est ce qui fait la force de votre entreprise. Je voulais vraiment qu'elle se sente comme chez elle, comme dans un petit cocon chaleureux, voilà, et que ce soit individualisé. Voilà, alors, même si vous proposez un accompagnement personnalisé, alors quels sont finalement les besoins les plus fréquents que vous rencontrez chez ces femmes? Je les ai cités juste avant, hein, c'est vraiment... tout ce qui est prothèse. Alors c'est des rendez-vous qui sont assez longs. Voilà, c'est bien pour ça que je travaille toute seule. Donc j'aime le prendre le temps avec les femmes et du coup c'est des rendez-vous. Moi j'aime prendre le temps avec elles parce qu'il se passe beaucoup de choses hein, pendant les entretiens et le rendez-vous. Souvent elles lâchent leur sac. Alors, bien sûr, je suis tenue au secret professionnel, il n'y a rien qui sort. Hein. Mais voilà, tout ce qui est prothèse mammaire externe, j'ai été spécialement formée pour, hein, c'est obligatoire. Et tous les accessoires capillaires, prothèse capillaire, lingerie, balnéaire adaptée, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup de questionnements et d'échanges, même par rapport à la reconstruction mammaire. Hein. C'est souvent une source d'angoisse. Et c'est un parcours qui est parfois long. Voilà. Tout à fait. Alors, comment ces femmes ont connu votre structure, je suppose essentiellement par le bouche à oreille? Je suis déjà issue donc, du milieu paramédical. Donc, certaines personnes du milieu me connaissaient et puis je suis allée me présenter auprès des professionnels de santé. Et puis, bien évidemment, le bouche à oreille a fait son chemin grâce à la confiance que tout le monde m'accorde. Voilà, je me rends aussi un mois sur trois dans un service de chirurgie auprès des dames hein, pour délivrer la première prothèse mammaire transitoire. Voilà, c'est un moment difficile pour les femmes. Hein, les chirurgies de mastectomie ou même tumorectomie, enfin, ça se fait beaucoup en ambulatoire. Donc, moi, je n'hésite pas à passer du temps auprès d'elles pour leur expliquer, répondre à leurs questions au pied du lit. Alors, votre implantation à Nancy n'est pas anodine, vous venez de le dire, hein, vous travaillez finalement en complémentarité avec les hôpitaux et les professionnels de la santé. C'est ça, en fait, c'est un maillon de la chaîne. Voilà, vous êtes un des maillons qui permet donc d'essayer de tenter de rendre confiance, hein, de retrouver une certaine confiance pour ces femmes. C'est ça. Alors justement, avez-vous déjà mesuré un petit peu l'impact de votre action sur la qualité de vie des femmes que vous suivez? Alors, en toute sincérité, je le mesure par tous les retours qu'elles me font et qui sont énormes. Le temps, l'écoute, l'empathie hein, accordée à la personne sont vraiment importants et il y a toute une confiance qui s'installe. Et puis, d'un moment qu'elles peuvent ressentir au départ comme super angoissant, ça se termine souvent avec une réassurance, un sourire. Elles me disent aussi qu'elles repartent complètement apaisées. Je reçois tout le temps des mails, des messages, des avis Google. Ça me touche, c'est incroyable. Et c'est vraiment ça, quoi. Et tous les retours positifs et chaleureux qu'elles me font. Il y a aussi des liens qui se créent avec certaines personnes hein, au fur et à mesure des rencontres pendant leur parcours. J'ai aussi des nouvelles des dames qui étaient complètement fermées au départ à la mastectomie. elles reviennent me voir après pour échanger, puis elles se disent, ah ben voilà, j'ai décidé de franchir l'étape, d'aller vers un chirurgien. Enfin, je trouve ça extraordinaire, quoi. Voilà, je me dis que... Et puis, c'est des moments aussi où ben, je vais pouvoir... Ben là, je remets ma petite blouse blanche et puis, voilà, orienter les femmes, parler du réseau RKS, les kinés du cancer du sein. Voilà, il y en a plein, elles ne savent pas. Alors que... Il y a beaucoup de communication qui se fait autour de ça. D'autres professionnels de santé, un psychologue, enfin, voilà. Donc, malgré la maladie, vous avez fait donc de très belles rencontres. Et puis, comme vous le dites, l'importance d'être à l'écoute et puis de l'empathie, ça fait, je pense, énormément de bien pour ces femmes qui sont donc victimes de ce cancer. Ouais. Alors, première pause musicale, l'occasion un petit peu de découvrir les coups de cœur de nos invités. Alors, justement, avant de nous retrouver dans une deuxième partie, quel a été votre premier choix? Eh bien, j'adore la chanson « La grenade » de Carla Luciani. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui se bat. C'est une chanson de combattante. Et voilà, la femme, elle sort son âme intérieure, la grenade, ben, pour combattre la maladie, affronter les traitements. C'est un combat pour l'amour de la vie. On reste digne et féminine malgré les épreuves. Moi, c'est un hymne au courage. Sous mon sein, la grenade, ben, derrière la fragilité de ce sein, il y a une force immense. Eh bien, on va écouter cet hymne au courage. Donc, c'est donc la grenade de Clara Luciani. T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. C'était donc le premier coup de cœur de notre invitée Virginie Griset. Donc c'était donc Clara Luciani, donc la grenade. Vous écoutez Fadjet. Oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet et ce mois-ci, nous accueillons donc Virginie Griset, donc représentante de la structure donc Nouvelles Femmes, pour parler donc d'accompagnement des femmes confrontées à un cancer donc du sein. Donc c'est l'occasion donc de l'évoquer à l'occasion donc de ce mois d'octobre rose. Alors dans la première partie, on a donc tenté d'appréhender un petit peu les principales missions de votre entreprise. Alors y a-t-il une rencontre, un témoignage qui vous a particulièrement marqué depuis la création de Nouvelles Femmes? Alors, comme je disais tout à l'heure, des messages, j'en ai énormément. Et, mais il y a une personne, vous voyez, que j'ai rencontrée, accompagnée en mars 2022, et elle est devenue une amie. Alors, peut-être qu'elle m'entendra, elle s'appelle Emmanuelle, et elle m'appelle depuis mon petit bijou. C'est joli. Elle s'est mariée en juin 2024. Et puis, en fait, donc elle m'y a invitée l'année dernière. Et puis, alors je m'y attendais absolument pas. Elle a fait un message personnel en me citant au micro devant le maire et puis l'assemblée d'invités. Et voilà, je m'y attendais pas. J'ai littéralement fondu en larmes. Mmh. Et c'est là qu'on se rend compte l'importance que chaque maillon de la chaîne a pour aller vers le chemin de la guérison. Sa fille adorable d'ailleurs, Anaëlle s'appelle. Elle était venue m'aider dans le cadre d'Octobre Rose l'an dernier. Sur la manifestation de l'association dont je vous parlerai plus tard, et puis, mais même pour tenir un stand hospitalier. Et Emmanuelle, elle a été aussi tout attentive à ma personne il y a quelques mois, voilà, quand moi j'ai eu besoin aussi. Donc on tisse aussi des liens forts. C'est très bien. Ouais. Et puis il y a une dame aussi, une écrivaine. Elle n'est plus là, malheureusement. Elle était venue m'offrir un de ses romans que j'ai dévoré. Sur une jeune femme, elle qui a connu malheureusement une maladie, voilà, elle en est malheureusement décédée, c'était la maladie de Charcot, a dévoré une vraie leçon de vie. Ça s'appelle Le pouce gauche de Monique Archen. Lisez-le. Oui, oui, bah, une belle référence. J'aurai l'occasion effectivement de le lire. Ouais. Merci pour cette référence. Alors j'aime aussi les phrases motivantes qui font souvent du bien au moral pendant ces moments difficiles. Alors est-ce que vous en avez une qui vous accompagne? Ouais. Alors en fait, j'ai une amie qui a été, c'était une amie et une ancienne collègue de travail, une collègue puère, voilà. Elle a été touchée également par la maladie. Et puis elle m'a dit, lorsque j'ai eu de nouveau, voilà, des soucis de santé, m'a dit tout simplement... Regarde au loin l'horizon, il s'éclaircira. Et c'est comme pour beaucoup d'épreuves, finalement, dans la vie. Voilà, c'est vraiment une invitation à garder confiance, patience, tout en se laissant porter. Et même si le présent semble lourd, l'avenir réserve de la lumière. Bien sûr. Voilà. Hein, c'est le présent, en agissant dans le présent, que l'on va pouvoir modifier l'avenir. C'est ça. Qui ne peut être que meilleur. Hein, mais c'est vrai qu'il faut passer par ces moments difficiles et c'est important d'être accompagné et vous jouez ce rôle, ce maillon important pour accompagner ces personnes, pour aller vers un avenir meilleur. Un tout petit. Petit maillon, mais c'est ce qu'on appelle, je crois, l'approche systémique. Hein, l'approche systémique qui consiste à dire, pour arriver à un objectif, eh bien, c'est un ensemble de facteurs qui va permettre effectivement d'y contribuer. Ouais. Et donc c'est le rôle de votre structure, donc Nouvelles Femmes. Alors, pour les femmes qui nous écoutent et qui traversent justement un parcours de soins parfois difficile et qui ne vous connaissent pas justement, quel message aimeriez-vous leur adresser? Eh bien, à toutes ces femmes, ben moi je leur dis d'avancer déjà, c'est ce que je dis tout le temps, étape par étape, parce que vraiment aussi, on vit toutes les choses différemment, hein, de façon différente, et qu'elles fassent confiance aux soignants qui les entourent, à leur corps, à leur âme. Et l'importance de vivre l'instant présent, d'accueillir ses émotions, les émotions qu'elles traversent. Et je pense aussi, pas qu'aux femmes, je pense aussi aux aidants. Parce que les aidants, ils sont souvent oubliés. Et ils sont énormément affectés par la situation. Et bien pour les aidants, bah, c'est simplement être présent, être bienveillant pour la personne en soin, mais aussi envers lui et pouvoir s'accorder du temps. Voilà, on fait tout ce comme on peut avec nos propres armes. Bien sûr. Et alors justement, pour ces femmes qui nous écoutent, comment peuvent-elles vous contacter ou prendre un rendez-vous? Alors, le téléphone, oui. 06 36 37 99 44, ou alors par mon site internet, ça arrive directement sur ma boîte Gmail, hein, Donc, c'est voilà le site nouvellefemme.com. Et puis sinon, j'ai un Gmail, c'est nouvellefemme.nancy@gmail.com. Et c'est uniquement sur rendez-vous, mesdames. Et on rappelle votre adresse, hein, donc sur Nancy. Au 76 rue de l'Aixou, rue de l'Aixou. À Nancy. Voilà, très bien. Très bien, alors donc on va parler dans quelques instants donc, d'Octobre Rose, hein, qui est donc ce mouvement de mobilisation nationale contre le cancer donc, du sein. Mais on va écouter donc, votre deuxième coup de cœur de circonstance, puisqu'on va parler donc de Florent Pagny. Bah ouais, là j'ai choisi un homme. Alors, il n'a pas été touché par le cancer du sein, mais c'est un homme merveilleux. Qui a été touché par un cancer du poumon. Alors, je rappelle quand même que chez l'homme, hein, il faut aussi stater les seins. Hein, c'est 1%. Ça peut arriver. 1%. Voilà. Donc, ça arrive aussi. Et en fait, Florent Pagny, ben, moi, je suis allée le voir à Nancy Open Air alors qu'il était de nouveau sous traitement. Et il nous a dit voilà, qu'il avait trouvé sa mission sur Terre. C'était envoyer des messages et nous accompagner à travers sa voix. Et c'est une personnalité publique qui représente l'image même de la résilience. Il est porteur d'espoir pour beaucoup de personnes touchées par la maladie et toutes les personnes qui vivent d'autres épreuves difficiles, quelles qu'elles soient. Tout à fait. J'apprécie beaucoup Florent Pagny et comme vous dites, ses chansons sont souvent de forts messages. Ouais. Hein, donc, il aborde l'amour qu'il a pour sa femme, ses proches, voilà. Son désir de vivre. Alors on va écouter justement Florent Pagny, donc t'aimer encore, donc c'est votre deuxième coup de cœur, Virginie Griset qui nous accompagne donc sur Radio Fadjet. Je veux bien les larmes et la douleur, je veux bien les doutes, je veux bien que vivre encore me coûte. Je veux bien la laideur et l'oubli, je veux bien trembler, je veux bien ne plus pouvoir chanter. Il me reste tant de choses à dire, tant de gestes pour te faire sourire. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore, j'ai le temps de la mort. Je veux t'aimer encore, je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Je veux voir les enfants, tes enfants, dans des courses folles, et leur parler du bon temps en espagnol. Oh bon Dieu, je ne demande rien. Un peu de temps dans tes mains. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. J'ai la dent de la mort. Je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Je veux t'aimer encore, qu'elle attend de la mort. Je veux t'aimer encore, je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Magnifique chanson de Florent Pagny, T'aimer encore, c'est un coup de cœur que de Virginie Griset que je partage également et que nous recevons donc ce mois-ci donc sur Radio Fadjet. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Et oui, donc pour terminer donc cette émission avec Virginie Grisé pour parler justement de cette structure Nouvelle Femme qui propose donc d'accompagner donc toutes ces femmes victimes du cancer du sein, on va évoquer pour dans cette dernière partie de l'émission bien Octobre Rose qui est une période de mobilisation nationale. Alors, quelle importance cela a-t-il pour vous et pour Nouvelle Femme ? Oui, Octobre Rose. Donc, c'est une campagne annuelle hein, destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. On est tous concernés et nous avons de la chance d'être traités et suivis en France. En France, toutes les femmes de 50 à 74 ans sont invitées tous les deux ans à une mammographie de dépistage gratuite. C'est pas douloureux, ça sauve des vies, mesdames, car plus le cancer est dépisté tôt, plus il est guérissable. Voilà, l'objectif, c'est de le détecter avant les symptômes. Et en 2023, c'est plus de 61 000 nouveaux cas de cancer du sein. Et la participation au dépistage ne s'élève qu'à 44%. Donc pour moi, ça me pose toujours question avec toutes les mobilisations qui se passent autour de la thématique. Et chez la femme de moins de 40 ans, le nombre représenterait environ 3000 cas. Donc j'ai fait partie de ces cas-là. Donc mesdames, à partir de 50 ans, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous des réceptions de votre invitation. Et avant 50 ans, au moindre doute, prenez rendez-vous chez le médecin ou chez le gynéco et de soi-même, eh ben, il ne faut pas hésiter à procéder à une autopalpation au moins une fois par mois, voilà, quelques jours après la fin des règles pour les femmes non ménopausées et au moindre doute, on consulte et les hommes aussi. Surtout que ça fait partie des cancers qui sont les mieux soignés. Hein. C'est Je ça. Crois qu'à plus de 80% de... Ouais, personnes qui c'est près de 90%. Alors, voilà, et puis ça se soigne bien. Après, malheureusement, il y en a aussi qui se soignent pas bien. Tout à fait. Alors, participez-vous à des actions, des événements ou des campagnes locales dans le cadre d'Octobre Rose ? Oui, alors je suis assez, assez engagée. Alors déjà, dans le cadre d'Octobre Rose, bon, je tiens un stand d'exposition. Voilà, c'est un moment où je peux échanger avec les femmes. Donc, dans des hôpitaux de l'agglomération nancéenne. Donc là, j'en tiens deux. Et puis également un stand à Metz, dans une maison de santé. Voilà, je propose également, j'y proposerai des ateliers nouages de turban aux femmes sur ces stands. Financé donc par l'association Les Fouras de l'Axou. À la fin de l'atelier de nouage, les femmes elles peuvent repartir avec une frange de cheveux, un bonnet, un foulard, offert gracieusement donc grâce aux fonds récoltés et par des partenaires aussi que je remercie beaucoup, notamment ADPS, les experts pâtissiers de Lorraine, le Rotary Club Nancy Erré, et puis tous les autres partenaires et les participants de la manifestation. J'ai envie de dire aussi que voilà, c'est moi qui suis à l'initiative de Octobre Rose à l'Axou, voilà, depuis 2018. Voilà, mon beau-père est le fondateur de l'association Les Fouras, qui date de 72, la course des Fouras. Et puis en 2018, bah, suite à mon histoire de vie, ben voilà. Ça a pris un autre virage. Très bien, mais l'émission donc touche à sa fin. Donc Virginie Grisé, alors est-ce que vous avez un mot de conclusion ? Eh bien déjà, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Et puis voilà, à travers ce mois d'octobre, hein, qui est vraiment le mois dédié à la prévention du cancer du sein, mesdames, s'il vous plaît, faites-vous dépister. Voilà. Merci Virginie Grisé pour votre engagement et vos réponses. On rappelle que Nouvelle Femme est située donc à Nancy, donc 76 rue de l'Axou, et accompagne les femmes dans leur parcours. Et en ce mois d'Octobre Rose, n'oublions pas que le dépistage peut sauver des vies et que le soutien, l'écoute et l'accompagnement sont essentiels pour traverser cette épreuve. Encore merci de m'avoir accompagnée pendant toute cette émission, Virginie Grisé. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Et à très bientôt également donc sur les ondes de Radio Fadjet.